Au sein de la famille Eastwood, la musique a toujours été une affaire de famille. Kyle Eastwood réinvente les plus grands thèmes des musiques des films de Clint Eastwood, accompagné de son quintet et d'un orchestre symphonique. Découvrez Clint Eastwood comme vous ne l'avez jamais entendu. Eastwood Symphonique, l'album événement enfin disponible. France Inter. Bonjour Monsieur Sigris, ici le ministère de la Transition énergétique. Pour être conforme aux accords de Paris, vous devrez utiliser désormais, pour parler de l'acteur Vin Diesel, les termes Vin électrique ou Vin hybride à la limite. Nous vous en remercions. Ouais, coucou Blockbuster, coucou Frédéric. Pour l'émission de ce mardi là, vous allez parler d'Alan Moore. Enfin, 55 minutes pour parler d'Alan Moore. C'est pas possible. Alan Moore, c'est au moins une semaine de podcast, quoi. Enfin, de sujet. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas, réfléchissez un peu, quoi. Mais bon, ça n'empêche pas que j'écouterai quand même. Allez, des bisous. Profitez de ces vacances pour passer Despacito sur la chaîne. Vraiment, vous n'avez aucun cœur. Est-ce qu'au moins quelqu'un a appelé Chewbacca pour s'assurer qu'il allait bien après cette séquence? Allez, bisous, je vous kiffe. Oui, bonjour Monsieur Sigrist, ici le ministère de la Santé. Vous avez souvent prononcé le nom de Monsieur Vin Diesel sans préciser que le vin est dangereux pour la santé et qu'il doit être consommé avec modération. Nous vous remercions d'être plus rigoureux sur ce point. Au revoir. On a tous son vieux schnock, le vieux bougon ou la vieille bougonne qui a suffisamment de bouteilles pour n'en avoir plus rien à carrer. Monsieur Sardou, vous en pensez quoi des trottinettes? Madame Azéma, les retraites, ça vous parle? Monsieur Berléan, votre opinion sur les émeutes de banlieue? Autant de sujets innocemment lancés par des journalistes en quête de buzz pour avoir des punchlines de vieux tontons charismatiques qui vont générer l'indignation de la génération Z. Moi, mon papy Daniel préféré, c'est Alan Moore, l'auteur de BD britanniques. Le gars est responsable de certaines des plus grandes histoires de super-héros, il les exècre. Les adaptations de ses films, il les regarde pas, car par principe, il trouve ça sans intérêt. La bande dessinée où il est vu comme un dieu, il va vous répondre qu'il est temps de passer à autre chose. Le gars n'a plus le temps. Alan Moore, tu lui dis qu'il a de très beaux enfants, il va te répondre qu'il les était pas désirés et qu'il avait la flemme de prendre des capotes dans le tiroir. À une époque où beaucoup veulent devenir des stars avant même d'avoir fait quelque chose, il est rafraîchissant de voir un monsieur qui a tout fait, chercher à rester dans l'anonymat. Alan Moore a le même regard sur son œuvre que Lana Wachowski sur Matrix Résurrection. Je brûlerai mon œuvre moi-même plutôt que de vous laisser en faire n'importe quoi. Dans une industrie du divertissement mondialisée, c'est peut-être ça l'intégrité. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Look at all these alternative comic book creators. Regardez, ce sont que des créateurs de bandes dessinées. Alan Moore, you Alan Moore, c'est vous qui avez écrit les meilleures fins de Radioactive Man. Oh really? Ah oui, c'est vrai. Alors ça t'a plu que je fasse de ton super-héros préféré un critique de jazz accro à l'héroïne et qui n'est pas du tout radioactif? Je lis pas les mots, j'aime juste quand il broie les gens. Comment vous lui avez fait ce costume qui moule les muscles? Monsieur Moore, voulez-vous signer mon DVD de Watchmen Babies? Lequel des babies est votre préféré? Vous voyez ce que ces foutues maisons d'édition font? Elles vous prennent vos idées et les sucent à mort, comme des sangsues, jusqu'à ce qu'elles aient eu la dernière goutte de substantifique moelle. Si Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko et autres Bill Finger sont désormais connus du grand public pour avoir fait naître les super-héros, il est, lui, un homme connu pour les avoir fait grandir. Avec un sens de la narration et de la psychologie plus poussé que ce que l'on proposait à l'époque, l'auteur britannique Alan Moore a posé les bases de tout ce qui fait aujourd'hui l'industrie cinématographique du genre super-héroïque. Pourtant, Alan Moore n'a jamais revendiqué cet héritage, déteste même l'idée d'être adapté en film et n'a pas une passion immodérée pour les super-héros. Pour mieux cerner ce génie misanthrope, j'ai avec moi Douglas Antonio, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur, comédien et auteur, entre autres, du compte Twitter satirique Poil au Ciné. Tout à fait, merci beaucoup de m'avoir invité. Mais on est ravis. Avec nous également, de retour, Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur pour comicsblog.fr, co-créateur et animateur de podcast First Print avec Arnaud Tomassini, qui sera par ailleurs présent dans l'émission de demain, consacrée à Nier Automata. Oui. Et avec nous, à distance et pour la première fois, Liz Menkemoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef du magazine Comic Box et l'autrice de Super Heureux grâce aux super-héros aux éditions de L'Opportun. Merci. Les présentations sont faites, il est temps de parler de ce grand monsieur qu'est Alan Moore. Je pense que sur le plan historique, il y a peut-être un problème en mettant ces deux mots ensemble. Populaire et ce que l'on considérait à l'époque comme la culture. Tout ça a changé, du moins de mon point de vue, tout à fait au début des années 60. Avec l'ascension des Beatles. En tant que garçon de la classe ouvrière qui a grandi à Northampton, c'était une révélation. Parce que ça semblait dire que les gens qui grandissaient dans des quartiers de la classe ouvrière de Liverpool ou partout ailleurs dans le pays pouvaient devenir des parties estimables de la culture. Soudain, il n'y avait plus de limite. Une personne ordinaire pouvait y arriver. Et ça, ça a été la qualité libératrice de la culture pop pour moi. C'était Alan Moore au micro d'Augustin Drapenard en 2017 à l'occasion d'un entretien réalisé pour l'émission de France Inter, Boomerang. Lise Benkemoun, la première question s'adresse à vous. Pourquoi Alan Moore trône-t-il si haut dans le panthéon des auteurs de bande dessinée ? Parce que je pense qu'en fait, il a été visionnaire. Quand il a commencé dans la bande dessinée, il ne s'est rien interdit. Watchmen a complètement révolutionné le genre, et j'ose dire vraiment révolutionné. Et c'est quelqu'un qui a toujours été en rupture, hein, avec le milieu dont il venait, avec les comics. Est-ce que c'est ce que vous disiez, Frédéric, dans votre intro? Il veut pas faire partie d'aucune case. Il veut jamais rentrer dans aucune case, fût-elle de bande dessinée. Mais c'est quelqu'un qui a une vision extraordinaire. Et même quand on relit, je trouve, ses œuvres aujourd'hui et celles qui peuvent avoir 30 ans ou 40 ans, moi, je trouve qu'elles ont pas pris une ride, que à chaque fois, que ça soit dans V for Vendetta, dans From Hell, dans Swamp Thing et même dans sa ligne ABC, il y a à chaque fois des choses de toutes les époques, et ça, je pense que c'est la marque des grands auteurs, de vraiment faire quelque chose qui intéresse l'humanité au sens large. Lise, je vais vous poser une question difficile. Si jamais vous n'aviez qu'une seule œuvre à choisir d'Alan Moore pour le faire découvrir au grand public, ça serait laquelle ? Je crois que je vais prendre V for Vendetta, parce que je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, cet esprit de liberté, de demander aux citoyens de réfléchir vraiment à ce qui est bon ou ce qui est pas bon, indépendamment de ce que les politiques voudraient, etc. C'est vraiment, je pense que c'est ce que je préfère. Alors, je suis beaucoup moins anarchiste qu'Alan Moore. Je pense que lui, il l'est au sens propre. Je pense qu'on est nombreux à ne pas l'être autant que lui. Mais oui, je pense que V for Vendetta aujourd'hui, c'est vraiment un roman graphique qui parle à toutes les générations et qui donne une vraie réflexion philosophique. Et moi, c'est ça que j'adore en fait dans Alan Moore, c'est que même quand il râle sur les super-héros, sur la BD, sur les comics, sur tout ce que vous voulez, ça reste quelqu'un qui a apporté ses lettres de noblesse à cet art que nous aimons tous. Et moi, ça me fait plaisir qu'on ait Alan Moore pour le simple bonheur que tous les gens qui prennent la pop culture et les gens qui l'aiment pour des crétins, on peut leur opposer Alan Moore, et ça, c'est un super atout dans notre manche. Et je pense qu'un auteur pareil, c'est une bénédiction pour les fans de bande dessinée dans le monde entier. Corentin, dans quel milieu a grandi Alan Moore ? Alors, Alan Moore, il grandit à Northampton, donc une petite ville d'Angleterre, dans le quartier des Boroughs, qui est le plus ancien et aussi le plus pauvre quartier de cette ville, dans un milieu où il y a très peu de gens qui sont lettrés, qui savent lire, où le taux de chômage est très élevé et où les gens sont généralement alcooliques ou drogués. Ça va être un élève assez modèle au début, il va aller lire énormément d'ouvrages, de littérature sans images, avant d'arriver dans un lycée un peu plus huppé, avec des élèves qui ont un meilleur niveau que lui. Et il va passer de meilleur élève de sa classe quand il était petit à plus mauvais élève de sa classe, au milieu justement de gens qui ont reçu une meilleure éducation. Donc il va très vite prendre conscience en fait des clivages sociaux, du fait que quand on est pauvre, on a plus de mal à trouver sa place et à s'élever socialement. Et c'est aussi là qu'il va faire la rencontre du LSD, qui va avoir une vraie influence sur sa pensée, sa psyché, on va en parler, et sa conception même du monde et de la réalité. Il va même tenter d'un peu de dealer de LSD, il va se faire virer du lycée à cause de ça, il dira lui-même que c'était un très mauvais dealer, très bon auteur, très mauvais dealer, voilà, ça va être bon partout. Et après ça, voilà, il va, pour reconnecter avec la carrière d'auteur, faire des petits boulots un peu à droite et à gauche, et finalement décider de tout plaquer pour tenter de vivre ce rêve d'auteur, de poète et de scénariste, effectivement, de comics. Et alors, ce rapport au LSD et cette porte vers d'autres univers, c'est quelque chose qui transparaît beaucoup quand on lit la biographie d'Alan Moore. Oui. Donc, en effet, en fait, on peut avoir cette représentation de quelqu'un qui prendrait du LSD et qui serait comme ça saisi de visions qui lui viendraient à la façon d'une muse. Mais en fait, le rapport que Alan Moore a au psychédélisme, il tient une sorte de révélation qu'il a eue au moment où il a pris une première fois du LSD à Hyde Park en 70. En fait, il a eu le sentiment que la conscience avait une vie propre. Et en fait, ça c'est vraiment déterminant dans la compréhension qu'on peut avoir de son travail et même de sa démarche, c'est qu'en fait, lui, c'est un idéaliste au sens philosophique, c'est-à-dire que là où un marxiste s'intéresserait à la vie des corps et aux individus en tant que sujets sociaux, lui, il s'intéresse à la vie de l'esprit. En tout cas, il y fait droit. C'est que pour lui, il y a une équivalence entre le réel et l'imaginaire. En fait, il se dit que si on change l'imaginaire, en fait, on peut transformer la réalité. Et il y a même un moment de sa vie où il estimait qu'il fallait peut-être mettre du LSD dans tous les réservoirs d'eau pour que tout le monde ait cette prise de conscience. Et il rétropédale aujourd'hui et il dit en vérité, je préfère faire ça avec mon travail, changer les consciences. Oui, d'ailleurs, j'en profite parce que je sais que je suis à l'antenne sur un service public pour dire que, voilà, vous n'êtes pas obligé, il ne faut pas prendre du LSD pour avoir la carrière d'Alan Moore. Mais rappelons qu'on parle d'un artiste. David Bowie en a consommé, les Beatles en ont même fait une chanson, Lucy in the Sky with Diamond. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez courant dans une Angleterre d'une certaine époque. Et justement, Alan Moore, qui apparaît donc en 53, fait son enfance dans les années 60 avec le Flower Power et transitionne très vite vers les idéaux punk, en fait, qui vont donc faire de pont entre ces deux approches de la vie. C'est que d'un côté, effectivement, ces œuvres, qui conçoit un peu comme des sortes de tours de magie pour éveiller effectivement les canaux de la conscience, pour nous faire permettre de voir le monde un peu autrement, que ce soit en politique, que ce soit en fiction, que ce soit dans l'histoire et les arts. Et en même temps, avec toujours un côté extrêmement contestataire envers toutes les structures. C'est un auteur de la libération, de la révélation, qui veut absolument nous permettre de voir par-delà les chaînons qu'on a tous les jours devant nous. C'est-à-dire que ça peut être le système, ça peut être le capital, ça peut être le pouvoir, ça peut être aussi même l'aliénation du couple. Il voit plus loin justement que la monogamie ou la religion. Donc il va toujours chercher à casser une structure parce que justement il naît à un moment donné où la culture britannique... Je connais aussi beaucoup qui voient au-delà de la monogamie, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer comme Alan Moore. Mais lui, c'est mieux théorisé. Voilà, on va dire. Oui, voilà. Mais donc il apparaît à un moment donné où effectivement l'Angleterre, sous la pression politique et la pression du choc générationnel, se pose beaucoup de questions et la jeunesse, donc la jeunesse hippie et la jeunesse punk, vont vraiment instiller le monstre Moore qui va devenir ensuite un grand prophète des temps nouveaux, quoi. Et alors le fait qu'il soit anglais est assez caractéristique parce que j'ai remarqué que à intervalles réguliers dans l'histoire du comic book, beaucoup d'auteurs britanniques sont arrivés pour insuffler une énergie nouvelle dans le comic book, un regard différent. Est-ce qu'il y a une manière d'écrire les comic books à l'anglaise par rapport à la version américaine ? Oui, c'est même Moore qui en parle le mieux. Il explique que la bande dessinée américaine, si on regarde de près, c'est une bande dessinée de surhommes comme Superman. Superman vole dans le ciel, le public américain lève les yeux pour le regarder, émerveillé par la beauté de cet être sensiblement divin. À l'inverse, la BD britannique a tendance à regarder vers le ciel pour voir une figure d'autorité, une statue à abattre. Et quand on regarde effectivement les mouvements qui ont été engendrés par les grands réformateurs du comics britannique, donc notamment Pat Mills, John Wagner, Alan Grant, qui ont fait le magazine 2000 AD, 2000 AD si vous voulez chercher ça chez vous, c'est des gens qui ont toujours remis en question l'autorité, remis en question la guerre, remis en question le politique, la religion. Il y a beaucoup de séries qui vont être faites à l'époque justement où Moore est adolescent et qui vont chercher à dévisser les icônes de pouvoir. C'est-à-dire que les Américains, eux, voient le pouvoir et l'autorité comme quelque chose de rassurant. Les Anglais, eux, s'en méfient énormément. Et effectivement, vous le disiez, il y a beaucoup même de scénaristes de bande dessinée qui vont naître dans le sillage d'Alan Moore, comme Grant Morrison, Warren Ellis, Garth Ennis, qui seront plus tard des amis et des proches qui vont parfois même reprendre ces personnages, et qui ont tous cette vision, plus ou moins, de la liberté et de la méfiance envers les grandes icônes. Liz Benkemoun, selon vous, qu'est-ce qui différencie les scénaristes britanniques des scénaristes américains ? Je trouve que d'abord, ils ont une distance par rapport rapport aux super-héros. Et ça leur permettait peut-être à l'époque, et, mais c'est encore vrai aujourd'hui, d'avoir une vision différente en fait de celle des auteurs américains sur les personnages. Évidemment, il y a cet humour anglais dont on peut parler. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même très bien quand on est très cultivé et très intelligent de rajouter de l'humour dans ses comics, parce que ça fait passer beaucoup plus facilement les choses, on va dire, sur le public. Et Alan Moore, il est excessivement anglais. Moi qui ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois, je peux vous dire qu'il est d'une politesse tout à fait anglaise, qu'il passe son temps à boire du thé, qu'il adore Londres, puisque en dehors de... Enfin, quand il daigne sortir de Northampton, c'est pour aller à Londres, pas plus loin. Il est excessivement british. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'auteurs, et bien souvent très doués, parce que l'anglais est leur langue maternelle, donc ils n'ont pas de problème culturel, on va dire. Parce que les Américains, dans les comics, ils sont quand même excessivement protectionnistes. Quand ils acceptent un auteur sur un personnage aussi fort que Superman, Batman, ou n'importe quelle icône, on va dire, des comics américains, il faut que ça soit quelqu'un qui connaît le truc sur le bout des doigts et qui va écrire le mot juste. Et ça, pour ça, les auteurs anglais, ils sont aussi totalement à la page. Et puis moi, personnellement, j'adore leur côté déjanté. Et ce qui est valable pour Moore est valable pour Morrison, pour Warren Ellis, Garth Ennis et compagnie. Et ce côté déjanté qu'on peut retrouver dans des personnages peut-être comme John Constantine, voilà, c'est typiquement de l'humour anglais et c'est une touch anglaise que beaucoup de gens apprécient. Alors, qui dit déjanté, Angleterre, la transition musicale, elle est toute faite. David Bowie, bien évidemment, avec Heroes. Frédéric Sigrist sur France Inter. Souviens-toi de ce 5 de novembre, de ses poudres et sa conspiration. Souviens-toi de ce jour, souviens-t'en. À l'oubli, je ne peux me résoudre. Mais qu'en était-il de l'homme? Je sais qu'il s'appelait Guy Fawkes, et je sais qu'en 1605, il tenta de faire exploser le palais du Parlement. Mais qui était-il vraiment? Comment était-il? On nous dit de nous souvenir de l'idée et non de l'homme. Parce qu'un homme peut échouer. Il peut être arrêté. Il peut être exécuté et tomber dans l'oubli. Alors qu'après 400 ans, une idée peut encore changer le monde. Je connais d'expérience le pouvoir des idées. J'ai vu des hommes tuer en leur nom et mourir en les défendant. Mais on ne peut embrasser une idée. On ne peut la toucher ou la serrer contre soi. Les idées ne saignent pas, elles ne ressentent pas la douleur. Et elles ne peuvent aimer. Et ce n'est pas une idée qui me manque. C'est un homme. Un homme qui m'a fait me souvenir du 5 novembre. Un homme que je ne me résoudrai jamais à oublier. C'était un extrait de V pour Vendetta, film de James McTague, sorti en 2006, adapté de la bande dessinée d'Alan Moore et David Lloyd, avec Nathalie Portman, doublée par Sylvie Jacob dans le rôle de Evie Hammond. Douglas Antonio, comment Alan Moore a-t-il découvert les comic books? En fait, on l'a rappelé tout à l'heure, Alan Moore, il grandit dans le quartier le plus pauvre d'une des villes les plus pauvres d'Angleterre. Et en fait, le comic book, à cette époque-là, c'est une distraction. C'est-à-dire que c'est une distraction qui est populaire, mais c'est une distraction, c'est un truc qu'on met dans les mains des enfants pour qu'ils arrêtent de faire des âneries sur les terrains vagues, littéralement. Et donc, en fait, lui, ce qu'il découvre, bah, c'est une littérature qui est de faible facture, qui ressasse souvent des histoires de garnements issus des milieux populaires anglais, et qui, voilà, qui est une espèce de première prise de contact avec une autre forme de littérature que celle qu'il trouve dans les bibliothèques. Et en fait, quand il fait la rencontre du comic book américain, donc qui est en quadrichromie, donc en couleur vive en plus, donc tout de suite ça attire son regard, il a 6 ans. En fait, c'est l'extension, ces comic books-là, de ce qu'il lit en littérature, de récits mythologiques, de récits de héros, fantasy, etc. Il en voit l'extension dans ces images-là. Donc en fait, il y a une espèce de continuité chez lui entre la littérature dite prose, quoi, de bibliothèque, et le comic book, et lui va plus dissocier les deux, jusqu'à récemment, évidemment. Et alors, on a évoqué le magazine 2000 AD. Corentin, est-ce que... Oui, je le dis à la française. Hein. C'est pas grave, c'est France Inter, après tout. Hein. Mais est-ce que vous pouvez parler de stuff de référence qui a fait naître beaucoup d'auteurs et dont les puristes, d'ailleurs, évoquent le nom avec des étoiles dans les yeux assez régulièrement. Mais avec raison. 2000 AD, donc, c'est effectivement une initiative d'un monsieur qui s'appelle Pat Mills, que j'ai cité tout à l'heure, qui était, de la même façon que Moore, une sorte d'avant-gardiste de gauche, on va dire, au Royaume-Uni, à une époque où le pays était plutôt conservateur. Il va travailler avec un groupe de presse qui s'appelle IPC Magazines, et leur fournir différentes séries, une série militaire qui s'appelle Reaction, Battle Picture Weekly, pardon, une série de genre qui s'appelle Reaction, et finalement le magazine 2000 AD, qui au départ est une revue avant de devenir une sorte de proto-maison d'édition. C'est là que vont apparaître les personnages de Judge Dredd, donc un policier du futur qui, dans un monde extrêmement totalitaire, tout à fait. La loi, c'est moi. La loi, c'est lui. Ils sont juges, jury, exécuteurs, évidemment. Va devenir un personnage très populaire, en parallèle d'autres créations qui auront plus de mal à traverser la Manche ou l'Atlantique, que sont Rock Trooper, les ABC Warriors, tous ces grands héros, justement, qui vont tous partir d'une idée de prendre une facette de la culture britannique, et que ce soit le sport, que ce soit donc effectivement la peur nucléaire, que ce soit la justice et la police, et la déconstruire avec l'humour dont on parlait tout à l'heure, un humour parfois cinglant, parfois très noir, très corrosif, et ça va devenir une usine vraiment à grands scénaristes. Moore y passera, tout à l'heure on parlait finalement de Warren Ellis et Garth Ennis, ils y passeront, tout le monde va y passer, tous les grands noms de la scène britannique sont passés au moins une fois par 2000 AD. Et puis ensuite, il y a son premier passage chez Marvel UK, le Marvel anglais, où il a notamment dessiné Captain Britain aux côtés d'un de mes dessinateurs préférés, encore aujourd'hui, Alan Davis. Liz Ben-Kemoun, la rencontre d'Alan Moore et Alan Davis, ça a été la première fois où Alan Moore s'est fait remarquer à l'international aussi. Alors, je veux pas dire de bêtises, je suis pas sûre que ça soit vraiment la première fois qu'il ait été remarqué à l'international, mais c'est vrai que moi aussi j'adore le style d'Alan Davis. Moi, je trouve pas que ça soit un des meilleurs travaux de Moore, mais je peux me faire maudire. Vous inquiétez pas, ça fait 7 ans que je présente Blockbuster, j'ai l'habitude. Il y a toujours quelqu'un qui sera pas content. Non, vous avez dit une bêtise. Donc vous pouvez y aller. Non, mais je pense que peut-être que c'est aussi parce que je suis une fille et que moi, à l'époque, Captain Britain, ça me parlait pas plus que ça, soyons honnêtes. Et donc, ça doit être pour ça que je trouve pas que ça soit le meilleur travail de Moore. Mais je veux bien vous entendre là-dessus, si vous, vous avez adoré. Corentin ? Alors, ce qu'il faut dire, cette série, c'est donc le personnage, il ne l'a pas créé, hein, il le reprend en cours de route. Pour ceux qui ne voient pas la bande dessinée américaine, contrairement à Hergé sur Tintin, par exemple, ce n'est pas un auteur, un dessinateur sur l'ensemble du volume. Le personnage existait donc déjà, il avait été chapeauté par Deskin, le grand éditeur de Marvel UK, qui voulait créer des personnages un peu originaux, justement, pour le marché britannique. Et en arrivant dessus, une histoire où il prend l'histoire en cours de route, il ne sait pas du tout où ça va aller, où ça doit aller, et il va tout casser. Il va tout casser, tout réinventer. Il va nous expliquer qu'en fait, Captain Britain, qui se revendiquait un peu des chevaliers de la table ronde, en fait, c'est un héros cosmique, qui appartient à un multivers, donc à une sorte de groupement de réalité parallèle. C'est là où je voulais en venir dans le fait d'être en avance sur son temps. Tout à fait. Et il va même nommer, d'ailleurs, la Terre qui sert de point de référence à la Terre Marvel de tous les héros Marvel classiques. Quand vous lisez un numéro tous les mois chez Marvel, c'est généralement, ça se passe sur une version de la réalité qui est la Terre 616. On doit cette invention à Alan Moore. Et d'une manière générale, il va commencer à pousser l'idée qu'on peut effectivement prendre des personnages assez poussiéreux installés dans des codes très naïfs de la bande dessinée pour adolescents et en faire des trucs beaucoup plus sérieux, beaucoup plus noirs, beaucoup plus politiques. Ce qu'il fera aussi avec Swamp Thing, ce qu'il fera aussi avec en un sens Marvel Man et quasiment tous les héros qu'il a repris ensuite. Lise Menkemoun, vous parliez de V pour Vendetta comme de l'œuvre qui résumait le mieux Moore, mais pour les gens qui n'ont jamais lu V pour Vendetta, de quoi ça parle ? En gros, c'est un monde post-apocalyptique. On est au Royaume-Uni après une guerre nucléaire qui a dévasté la majeure partie du monde. Et donc, on a un espèce de parti politique fictif, néo-fasciste, homophobe, tout ce qu'on veut sauf progressiste, qui a exterminé la plupart des gens et qui aujourd'hui est un état policier absolument atroce. Et donc, on suit ce personnage principal. On l'entendait dans la bande-annonce, qui est un révolutionnaire anarchiste qui porte un masque qui est devenu méga célèbre depuis les Anonymous. Et puis, donc, ce révolutionnaire anarchiste, il inspire le peuple à se... Enfin, en tout cas, il le fait réfléchir et il inspire cette jeune femme, donc, Evie Hammond, pour qu'elle devienne sa protégée. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est toute la réflexion qu'il y a sur le pouvoir, la responsabilité des citoyens, le fascisme. On est à l'époque dans les années 90. C'est une dystopie, mais c'est malheureusement excessivement réaliste et actuel. Douglas Antonio, on l'a vu avec Captain Britain, il pose les bases du multiverse qui est réutilisé jusqu'à plus soif aujourd'hui. Avec V pour Vendetta, la figure de Guy Fawkes avec ce masque a été repris par les Anonymous pour des actions bien concrètes dans le réel avec des hackers informatiques. Comment on explique qu'Alan Moore est toujours mis dans le mille dans ce qui était un petit peu ses obsessions? Je pense que d'abord c'est quelqu'un qui a à travers le siècle qu'il a vécu et en fait les périodes qu'il a traversées et sa position sociale aussi était le témoin d'un certain nombre de bouleversements dans son pays, mais d'un point de vue qui les conceptualisait, c'est-à-dire que quand il fait partie de la contre-culture hippie des années 60, quand il est jeune ou en tout cas qu'il en est un témoin privilégié, la réflexion qui traverse l'Europe à ce moment-là, c'est aussi celle des situationnistes, c'est des choses qui vont faire écho à travers toute son œuvre, en fait, tout au long de ce qu'il va construire en comic book, en fait, il est toujours à réfléchir sur, mais avant de faire une BD qui est divertissante et de parler au grand public, etc., comment je peux tirer le médium dans une direction qui soit à la fois pertinente graphiquement, parce que c'est aussi, on parlait de V pour Vendetta, c'est aussi un territoire d'expérimentation formelle énorme. Il se pose la question de comment on fait une BD où, en fait, il n'y a pas de dialogue et il n'y a que de la musique, par exemple. Et en même temps, un territoire où on peut vraiment parler du monde. On peut dire le monde, on peut raconter la guerre froide avec Watchmen. On peut raconter Thatcher avec V pour Vendetta. Et puis, plus tard, en fait, est-ce qu'on pourrait pas parler de ce qu'est la conscience humaine avec des œuvres plus tardives ? J'ai l'impression que avoir cette ambition de pousser le médium, d'abord graphiquement, ça a aussi été une ambition de pousser le médium thématiquement. On est toujours ensemble pour évoquer Alan Moore, cet immense auteur britannique, mais on va écouter Wendy Martinez avec Le Pays Imaginaire. Et j'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Charles de Silia. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, à l'aide de nos stagiaires Mathias Bellassène et Céline Grillon, et à la technique aujourd'hui Fabrice Desmas, et au mixage Élise Christophe. On leur promettait derrière le meurtre de la misère. Ils ont d'abord vu la mer. Cette qualité de lumière propre aux pays aurifères, des forêts de conifères, border les premières sphères, pour arriver lent leurs frères, dont la peau bleue s'éclaire à la vue des nouvelles mères, des nouveaux pères de leur terre. Soudain, il n'y avait plus de frontières, ils l'avaient enfin trouvé, le pays qui n'existe pas. Derrière la matière, un clignement de paupières, un flash de lumière. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Il était derrière la matière, un clignement de paupières. Ils ne reviendront jamais, jamais. Sous l'atmosphère de grands ballons d'éther, cœur de silence dans la clairière. Les enfants solitaires savaient se cacher derrière l'air, derrière un brin de bruyère. Des femmes aux saris ocre incendiaires défilaient tête nue et fière près d'androgynes centenaires. Oh, oh, oh, quatrième millénaire, il n'y avait plus de mots pour guerre. Il n'y avait plus de mots pour guerre. Soudain, il n'y avait plus de frontières. Il avait enfin trouvé le pays qui n'existe pas. Sur France Inter. Trois bons conseils pour écrire des histoires. Assurez-vous de toujours finir le travail. Ne culpabilisez pas excessivement de ce que vous considérez comme un échec. Et en ce qui concerne le reste, ne soyez jamais complètement satisfait de ce que vous écrivez. With anything that you write. C'était les trois précieux conseils d'Alan Moore donnés à la chaîne anglaise BBC. Douglas Antonio, après Marvel, Alan Moore a aussi dit travailler pour DC Comics, et c'est avec Swamp Thing, une série qui n'a pas été du goût du comics Code Authority. Oui, tout à fait. En fait, le parcours d'Alan Moore à cette époque-là, c'est que il travaille avec Marvel, et son travail ne se passe pas bien pour tout un tas de raisons qui n'ont pas de lien avec la qualité de ce que lui a fait, mais en tout cas avec la rémunération. Donc il se fâche avec Marvel, il décide qu'il travaillera plus jamais avec eux. Et ensuite il va travailler avec l'autre grande maison américaine qui est DC et qui le met sur une série qui ne se vend pas, qui est Swamp Thing, et qui à l'époque est une série qui est, comme Corentin le disait, reprise par énormément d'auteurs, voilà le canon un peu officiel de l'histoire part dans tous les sens. Et lui, l'intelligence de ce qu'il a proposé, ça a été de se dire comment j'essaye de créer une version synthèse de ce personnage qui intégrerait toutes les versions en une seule, qui rassemblerait un petit peu tous les ajouts à ce personnage. Donc, on se retrouve avec une BD qui, encore une fois, traite de thèmes extrêmement profonds, actuels. Sauf qu'avec cette profondeur-là, vient forcément une certaine violence, un certain goût pour des thèmes qui peuvent être subversifs. En l'occurrence, dans le numéro 29, nécrophilie, inceste, qui sont représentés parfois de façon assez graphique. Et à l'époque, le Comics Code Authority, qui est censé réguler la publication des comics, décide de censurer ce numéro et d'interdire sa publication, et malgré tout DC le publie. Ce qui fait que je crois que c'est la première fois que ça arrive, et effectivement ça va être un jalon quoi pour l'industrie, et ça va donner après ça va fragiliser le Comics Code Authority en fait. Et arrive Watchmen, l'œuvre de référence d'Alan Moore, qui a été adaptée en film, que tous les lecteurs connaissent ce comic book de référence, qui n'est paradoxalement pas l'œuvre qui plaît le plus à Alan Moore. Liz Ben-Kemoun, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que ce comic book a eu de révolutionnaire, mais aussi à quel point il a été à de nombreuses occasions mal compris? Ben, je pense qu'il est révolutionnaire parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a une déconstruction du genre, en fait, dans Watchmen. On parle des super-héros, mais en même temps, pour une fois, on montre des gens qui ont des problèmes de couple, des problèmes d'argent, qui vont pas très bien dans leur vie, qui sont pas tellement reconnus. Donc ça, en fait, c'était pas du tout le canon des histoires de super-héros jusqu'à Watchmen. Et puis en plus, en dehors du fait que c'est une énorme masse. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça a commencé par être publié en petit épisode, donc ça fait moins flagrant que quand aujourd'hui on le lit d'un seul coup. Mais il y avait aussi cette alternance entre la bande dessinée et tous les passages qui sont écrits dans Watchmen. On a par exemple ces extraits de Mémoire du Masque, on a des documents, et donc ça, c'est complètement... On a cette bande dessinée de pirates aussi. Oui, c'est complètement à rebours en fait de tout ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Donc c'est forcément révolutionnaire, mais c'est ce qu'on dit sur Alan Moore, je pense, depuis le début de cette émission, c'est que le bonhomme essaye toujours d'être là où on l'attend pas, là où les autres sont pas déjà venus. Et à l'époque, il avait quand même beaucoup plus de tendresse pour les super-héros que maintenant. Et donc sa façon de les présenter de manière vulnérable, c'est aussi une façon de dire que on les aime. Mais à quel point ils nous ressemblent et à quel point on peut tirer des leçons de leurs expériences et de leur vie. Corentin, il y a effectivement sur Watchmen un énorme carrefour d'interprétation entre ce que Alan Moore voulait dire et sur le genre et sur ses personnages et ce que le grand public en a retenu. Et c'est peut-être justement quelque chose qu'on n'a pas assez dit en fait, c'est que Alan Moore, donc c'est un écrivain un peu holistique qui prend énormément de choses de la vie réelle, comme tu le disais, pour agglomérer des sens de lecture qui vont être extrêmement nombreux. Là, on parle d'une allégorie de l'évolution éditoriale des super-héros, on parle de la bombe nucléaire, on parle du passage du temps et de l'hyper-temps, donc du temps non linéaire. On parle évidemment avec le docteur Manhattan, on parle de sexualité, on parle d'empouvoirement féminin, enfin on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de thèmes, et on parle surtout de politique. Puisque dans le spectre de Watchmen, il y a un personnage qui s'appelle donc Rorschach, en hommage au test de Rorschach. Un personnage qui est inspiré par l'une des créations du père de Spider-Man, Steve Ditko, qui, et Mr. A aussi, qui est un personnage doublé, qui, en découvrant l'œuvre de Ayn Rand, avait embrassé la pensée objectiviste. Et ce personnage-là est vraiment un hommage justement à cette version de la droite radicale ou de l'extrême droite américaine qui considère qu'il n'y a pas de compromis à faire avec le crime, qu'un criminel a choisi sa voie et qu'on peut le tuer. À l'inverse, on a des personnages beaucoup plus pacifistes, on a donc un dieu présent sur Terre qui lui envisage l'idée que la vie n'est même pas un phénomène si intéressant que ça. Et cet enchevêtrement, en fait, à la fois de conviction et de, d'emprunt à des littératures, à des formes, effectivement, d'édito qui vont être dans la BD, forme une masse extrêmement dense, extrêmement complexe, qui fait que, oui, des mouvements d'extrême droite néo-fasciste revendiquent Watchmen, oui, des mouvements qui sont probablement plus proches des convictions de Moore, qui tirent plus à l'extrême gauche, vont revendiquer Watchmen aussi. Ce qui fait que c'est une œuvre qui est extrêmement compliquée à aborder parce que elle a tellement de niveaux de lecture qu'on peut la relire 1000 fois et trouver chaque fois un sens nouveau. Chaque fois, on va trouver un clin d'œil ou un hommage qui n'était pas là au début à la première lecture. Et plus on grandit avec la société dans laquelle on évolue, plus on voit encore une fois des éléments qu'il aurait prévus ou qui se retrouvent effectivement à faire partie du réel. Douglas Antonio, lassé par certaines injonctions et certaines, directive de DC Comics, il se tourne vers la publication indépendante et c'est ce moment où il produit From Hell, où il produit un peu plus tard Lost Girls. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces ouvrages? Ouais, en fait, il se retrouve pour From Hell dans une publication qui s'appelle Tabou et qui est une publication lancée par son ancien acolyte sur Swamp Thing et qui est dédiée à l'horreur. Et en fait, comme Alan Moore est intéressé par plein de sujets et qu'il allait pas faire un truc, tu vois, un peu plan-plan, il se dit, et si j'essayais de parler de Jack l'Éventreur comme une allégorie de ce qu'est le XXe siècle, c'est-à-dire le siècle qui le suivra. Alors ça paraît un peu majuscule comme projet, mais c'est exactement ce que cet ouvrage est. Aujourd'hui, on peut retrouver un intégral, c'est une publication qui a mis beaucoup de temps à se faire, mais pour ma part, c'est l'un des plus passionnants. En fait, c'est c'est pas une enquête sur Jack l'Éventreur pour savoir qui c'est. En fait, il assume de reprendre une théorie bien connue qui consiste à se dire que, en fait, c'était la couronne d'Angleterre qui avait besoin de faire taire un certain nombre de prostituées pour cacher un enfant d'un des princes. Et en fait, il assume cette théorie, mais il s'en sert pour développer plein d'autres idées. Et notamment une idée qui va se retrouver beaucoup dans son œuvre par la suite, qui est en fait une espèce de connexion de l'ordre de, encore une fois, du monde des idées et pas du monde matériel, entre le rituel accompli par Jack l'Éventreur en éventrant ses femmes et l'avènement de l'ultra-libéralisme qu'il y aura dans le XXe siècle. C'est-à-dire que quand Jack l'Éventreur éventre ses femmes, le patriarcat est réaffirmé, même géographiquement dans Londres, parce qu'à l'époque, il construit des églises avec des obélisques qui sont des symboles phalliques. En fait, il trace des lignes entre des... Voilà, il fait des connexions entre des lignes symboliques qui soient géographiques, gestuelles, etc. Et c'est, encore une fois, c'est très dense. Donc c'est très difficile à déchiffrer pleinement, mais c'est un geste qui est poétique. Pour moi, c'est un geste qui jette des idées, et ensuite, il y a matière à réfléchir. Corentin. Et From Hell aussi, c'est peut-être le premier point du reste de la carrière d'Alan Moore après les super-héros. C'est là qu'il va effectivement revenir vers l'Angleterre, parler des villes, parler du situationnisme dont tu parlais justement, insérer énormément de symboles, énormément de référents, des sigils, on va dire, maçonniques en l'occurrence, et chercher partout l'art du symbole, l'art de la théologie, l'art du mysticisme et de l'ésotérisme, ce qui va conduire après à l'interroger beaucoup sur son quartier de Northampton et chercher comme ça les fantômes littéraires, artistiques, philosophiques en revenant à une sorte de principe essentialiste qui est que si on connaît une partie d'un tout extrêmement bien, alors on peut comprendre le reste de ce qui nous entoure. Et ça va être en fait le guide sur sa carrière littéraire dans un monde sans images, encore une fois, et aussi sur ses œuvres les plus personnelles que seront plus tard Promethea, etc. Alors nous aussi, on a quelqu'un d'ésotérique sur cette station, il s'appelle Djoubaka, c'est le programmateur musical de l'émission, et pour débuter cette troisième partie, il nous a conseillé de mettre Young Favors, qui nous interprète Rise. Sun to the ocean, gone in the night, in an orderly fashion. It's all alright, it's all alright, it's all alright. Leave it out in the open, put it all on the line. I need to catch more fish, baby. I need to eat more rice. I need to buy my time. Yeah. orderly fashion. It's all alright. It's all alright. It's all alright. Blockbuster sur France Inter. From the purely personal, d'un point de vue personnel et esthétique, mon objection principale à toutes les adaptations de mon œuvre, dont je n'ai vu aucune d'ailleurs en passant, je préfère critiquer les choses d'une position d'ignorance totale. Mais mon objection principale sur le plan esthétique, c'est que c'était des objets qui ont été créés totalement pour montrer ce que la BD était capable de faire et ce que d'autres médias étaient incapables de faire. Donc le fait que quelqu'un puisse réaliser un film à partir de ces objets, ce n'est pas vraiment possible parce que ça ne ferait pas passer quelque partie que ce soit du narratif original qui m'intéressait. C'est mon point de vue. C'est pourquoi je n'ai vu aucun film. Watchmen. Watchmen. One of us died. L'un des nôtres a été tué cette nuit. Somebody knows why. Quelqu'un sait pourquoi. Somebody knows. Quelqu'un sait. Harry had been working for the government. J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. Maybe it was a political killing. C'est peut-être un meurtre politique. Maybe someone's picking off costume killers. Quelqu'un qui prend les héros costumés pour cible. John thinks that there's going to be a nuclear war. Il va y avoir une guerre nucléaire. What if that's why some... Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer? They can't do anything to stop pour nous empêcher d'intervenir. Attaquer l'un des nôtres revient à nous attaquer tous. Les Watchmen sont finis. Quelle solution tu proposes? Retribution. Le châtiment. We can save this world. Vous avez entendu Alan Moore, toujours au micro d'Augustin Trapenard, suivi de la bande-annonce du film Watchmen, Les Gardiens, réalisé par Zack Snyder, que Alan Moore ne verra jamais, avec Jackie Earle Haley, doublé par Julien Kramer dans le rôle de Rorschach. Liz Ben-Kemoun, alors on a entendu que Alan Moore entretient un rapport très particulier à ses œuvres passées, à ses adaptations qu'il conchit le plus souvent, et même aux lecteurs de comic book. Et que pensez-vous de ce positionnement? Je pense que c'est pas du mépris de sa part, mais il faut comprendre quand même qu'au départ, Alan Moore, c'est quelqu'un qui a été blessé. C'est-à-dire que au départ, il aimait beaucoup et le genre et les lecteurs et les éditeurs de comics même. Et puis, il a quand même été victime d'une arnaque assez extraordinaire de la part de DC. C'est que sur Watchmen et sur V for Vendetta, ils lui ont fait signer un contrat en lui disant que les droits allaient revenir aux auteurs si les comics n'étaient plus réimprimés, et à l'époque il n'y avait aucun comics qui était réimprimé, et en fait donc du coup il a re-signé et il a continué de travailler pour eux, et bien entendu jamais les droits ne sont revenus chez les auteurs. Donc Alan Moore, c'est quelqu'un qui au départ a la conception d'un auteur qu'on peut avoir aujourd'hui dans la bande dessinée franco-belge, et qui donc veut avoir le final cut, si j'ose dire. Et pour répondre, Frédéric, du coup, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'une fois qu'il a confié ses personnages à des gens avec lesquels il n'a plus aucun droit, plus aucun mot à dire, etc., alors il s'en désintéresse complètement. Après, je ne pense pas que le fait de cracher sur ses adaptations le fait cracher sur les lecteurs de comics. Hein. Son positionnement, je peux le comprendre, mais sans lui faire offense, je pense que c'est aussi un homme d'un autre temps. Alan Moore, il n'est pas très jeune, il n'est pas très moderne, il s'en fout, il a un côté excessivement victorien. Et donc, pour lui, la vidéo et le cinéma, ce n'est pas le lieu de ce qui l'intéresse le plus. Mais par exemple, moi, je trouve que la série de Watchmen, elle est plutôt très réussie. De Damon Lindelof. Et il faut comprendre que ces adaptations, elles ont permis à des milliers de gens de s'intéresser justement à ces œuvres. Après, comme vous le disiez au début, Frédéric, il s'en fout d'être célèbre et il s'en fout de tout ça. Donc forcément que ça ne l'intéresse pas. Mais c'est pas un mépris du média. Je pense que c'est plus une méconnaissance qui est due au fait que c'est pas sa génération, c'est pas sa priorité. Autant la littérature, ça lui parle énormément au cœur, autant la vidéo et l'image, ben pas tant que ça. Corentin, après ce passage, après Watchmen, après Fromel, etc., il y a la collection ABC, avec des œuvres incroyables pour lesquelles je m'engage à vous réinviter voilà, pour parler notamment de Promethea, La Ligue des Extraordinaires Gentlemen, parce qu'effectivement, on ne peut pas traiter Alan Moore qu'en une heure. Mais pour quelqu'un qui s'éloignait de la bande dessinée, il a terminé sur un feu d'artifice. Oui, absolument. Duca considère que c'est un peu sa dernière grande période qui précède ses essais sur Lovecraft, qu'il fera plus tard au Royaume-Uni. Effectivement, à la fin des années 90, Alan Moore, qui avait décidé de ne plus jamais travailler sur les super-héros, ce qu'on appelle les comics mainstream, donc le courant dominant que sont donc la fiction des capes et des collants, décide de revenir en voyant qu'il y a un mouvement de jeunes auteurs, artistes qui décident de quitter Marvel à l'époque pour se lancer en indépendant, et il décide de profiter de sa notoriété pour leur donner un coup de main. Et il va travailler beaucoup avec notamment Todd McFarlane, qui a créé le personnage de Spawn, qui est assez connu, et avec Rob Liefeld sur des réinventions de Superman. Là-dessus, il crée un label à lui, qui s'appelle donc effectivement America's Best Comics, où il créera Promethea, qui est son œuvre la plus personnelle, l'étude de ses convictions et un hommage rendu à toute une tradition d'ésotérisme qui passe par la cabale notamment et l'arbre de la vie, c'est très compliqué. Et qui après, une fois que en fait cette boîte-là, donc Wildstorm, dans lequel il crée America's Best Comics, va être rachetée par DC Comics, lui qui ne voulait plus entendre parler justement de DC Comics et des éditeurs Marvel et DC, se dit que là, ça suffit, c'est bon, et il a eu une grande phrase, il dit « J'adore la bande dessinée, mais je déteste faire ce métier avec ces gens-là ». Et à partir de là, bah, ça va être une sorte de fuite vers la littérature, vers le cinéma, vers le théâtre burlesque, les magazines, et peu à peu refermer la page de l'auteur de comics. Le roman Jérusalem, et dernièrement, enfin prochainement, Illumination. Tout à fait, oui. Merci beaucoup d'avoir été aussi disserte et non pas exhaustif sur Alan Moore, parce qu'on ne peut pas l'être en une heure, mais comme j'ai dit, on traitera encore ses œuvres dans un prochain blockbuster. En attendant, je vous remercie Douglas Antonio, Corentin, Lise Benkemoun. Je rappelle que vous êtes l'autrice de Super Heureux grâce aux super-héros aux éditions de L'Opportun. Vous pouvez, chers auditeurs, nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30-20, ou en parler sur Twitter avec moi directement avec le hashtag BlockbusterEFI. Old ghosts sit in the back. Old bodies don't tell stories, but old gangsters never die. Demain dans... Nom de l'émission A1-Cerere. On va parler d'intelligence artificielle. Un vestibule. Dans le futur. Lundi en 8. Les robots... Travailleurs, communistes, socialistes, un pot-au-feu sont les seuls survivants d'un monde ravagé par un cataclysme. Erreur 404. Marlène. Ce qui a pas. Bienvenue à Longwy. Demain, dans Nom de l'émission insérée. Nir Automata.